Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Le plus extraordinaire de tout, c'est que Monsieur Proust pouvait résister et travailler, malade comme il l'était, et sans prendre une ombre de nourriture par-dessus le marché. Ou plutôt, ce serait plus exact, en ne se nourrissant que des ombres de ce qu'il avait connu et aimé autrefois. Je me souviens d'un jour où j'avais eu une atteinte de sinusite et où il avait insisté pour que je demande au docteur Bise de venir m'examiner et me soigner. Le docteur Bise était passé le voir ensuite et, prenant le prétexte de moi, il en avait profité pour dire devant Monsieur Proust « Et puis il faut vous nourrir, Céleste. Vous ne mangez pas assez. Ne faites pas comme Monsieur Proust. » Et se tournant vers celui-ci, il avait ajouté « C'est vrai, maître, vous travaillez de force comme un laboureur et vous ne vous alimentez pas. » Après son départ, Monsieur Proust m'avait dit « Vous avez entendu, Céleste, comme un laboureur. » Et puis, avec un grand sourire et une lueur amusée dans son petit œil, il m'honore. Et pourtant, le docteur Bise avait raison. Je continue à me demander où Proust puisait la volonté de vivre comme il vivait, sans une trêve. Je n'ai jamais su combien d'heures il dormait, ni même s'il dormait, parce que cela se passait entre lui seul et les quatre murs de sa chambre. Il se reposait, c'est vrai. Il fermait les yeux et se taisait, comme je l'ai dit. Et alors, il vous quittait. Il était d'une immobilité effrayante à ces moments-là. Il respirait à peine. Sous l'effet de la petite lumière verte, avec la blancheur du pyjama et du drap, et ses bras allongés là, ses narines pincées, quelqu'un qui serait entré aurait pu le croire mort. Il se retirait même en présence d'un étranger, et personne n'aurait osé le troubler, tellement on aurait dit le tableau d'un prince. Mais quand on songe à la dépense qu'il se donnait d'autre part, dans son travail, dans ses sorties et dans ses heures et ses heures où il me retenait à causer, ce n'était pas l'économie de force qu'il faisait en restant une demi-journée au lit qui pouvait suffire à compenser. Il n'usait peut-être pas la machine de son organisme pendant ce temps, mais pour le reste, où prenait-il l'énergie? Dire qu'il ne mangeait rien n'est pas une exagération. Je n'ai jamais entendu parler de personne d'autre qui ait vécu des années en ne se nourrissant que de 2 bols de café au lait et de 2 croissants par jour. Je suis convaincue qu'il avait retenu le café particulièrement pour le stimulant. Car l'essence de café comme il l'exigeait était vraiment forte, même s'il la noyait dans le lait. En fait, son repas de café était pensé comme un régime. Sa vraie nourriture était le lait, il en buvait parfois jusqu'à 1 litre par jour. Si ça avait été le stimulant pur qu'il cherchait, il aurait bu du café noir. De tout le temps que j'ai été là, il n'en a pas bu une seule tasse. J'ai tout devant les yeux. La cafetière en argent à ses initiales, le pot à tisane en porcelaine et à couvercle, dans lequel on mettait le lait pour le garder très chaud, frais bouilli, et le grand bol à bord doré, au chiffre de la famille. À côté, le croissant dans la soucoupe. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il prenait des quantités folles de café. Non, s'il y avait de l'excès en lui, c'était dans la modestie de la nourriture d'une part et dans la domination du travail de l'autre. Il est venu un moment où Monsieur Proust m'a autorisé à faire la cuisine pour moi, et incidemment, parfois pour lui ou pour un invité. Ses exigences n'étaient pas compliquées. Là, comme en tout, il était simple. Il fallait seulement que ce soit parfaitement à son goût. Il était fin gourmet, ou plutôt il l'avait été. Je voyais bien que ses envies le prenaient comme des coups de souvenir. Il avait été à bonne école avec sa mère et Félicie, la cuisinière de ses parents. J'ai déjà parlé de la mémoire qu'il avait du bœuf à la mode de Félicie. « Ah, Céleste, me disait-il, froid. C'est froid que je le préférais, avec la gelée et les petites carottes. » Et son regard brillait de gourmandise et de bonheur. Il lui arrivait d'ajouter « J'en ai une fringale, j'en mangerai bien. » Il riait. Je disais « Monsieur, si vous le désirez, je vais vous en chercher. » Mais il secouait la tête et ça s'arrêtait là. Si j'insistais, il répondait « Non, non, Céleste, il ne vaut mieux pas. » Et je pense que, plutôt que faute d'avoir faim, C'était surtout qu'il craignait d'être déçu. Il aimait mieux le manger en souvenir. Cependant, certains soirs, une envie soudaine le prenait encore. J'ai l'impression que je mangerais volontiers une brioche de chez Bourbonneux. Mais vous entendez bien, Céleste ? De chez Bourbonneux. C'était rue de Rome, j'y allais. Je posais la brioche dans une soucoupe sur le plateau. Il en mangeait une bribe et j'enlevais le reste. Ou bien c'était une poire bourdaloue que je commandais au restaurant La Rue, même chose. Ou encore, brusquement, un goût de confiture ou de sirop, ou d'une glace ou de fruits. Et cela en pleine nuit, quand il revenait d'une de ses sorties. Et uniquement pour grappiller, bien entendu. Il réclamait quelquefois une compote, très peu sucrée, que je devais faire en tant de minutes exactement, comme il me l'expliquait. Je la retrouvais le plus souvent intacte sur le plateau, et il me disait, pour cacher, je crois, sa propre déception, « Ma chère Céleste, je ne sais pas ce que vous avez fait à cette compote, mais elle est infecte. » Une fois ou deux, pas plus, il m'a demandé du sirop. « Vous le prendrez chez Tanrade. » C'est là que se servait maman. C'était du sirop de groseille qu'il avait voulu, je me rappelle. Quand je suis revenue dans la chambre plus tard, le verre était à peine entamé. Je me suis enquise. « Ça vous a plu, monsieur ?» Il a levé les yeux et il a répondu avec un soupir. « Pas tellement, Céleste. » C'est curieux. Il me semblait que c'était meilleur. Il souriait en disant cela, mais il y avait dans son regard un rêve triste d'enfant. Aujourd'hui, je pense que ces envies soudaines qu'il avait correspondaient à des moments où il courait après le temps qu'il avait perdu. Mais perdu comme on le dit d'un paradis. Revoyant ces choses maintenant, comme je ne pouvais pas les voir sur le moment, je me dis que ce qui ressortait de lui, pour ce qui était de l'homme et de la vie, c'était d'un côté ce goût de la qualité et de la perfection qu'il avait en tout, mais le goût d'une perfection qui avait été celle de son passé. De l'autre côté, la volonté de l'œuvre à laquelle il sacrifiait toute sa santé. Souvent, quand je le voyais fatigué, le chagrin et le souci me prenaient. Devant le plateau qu'il n'avait pas touché, je lui disais « Pourquoi ne mangez-vous pas, monsieur ? Comment voulez-vous tenir à ce régime ?» Céleste, examinez bien la chose, réfléchissez. Quand on a fait un bon repas, on est lourd, on n'a pas l'esprit libre, comprenez-vous ? Et j'ai besoin d'avoir l'esprit libre. Monsieur, écoutez, quand maman allait à l'école, elle m'a dit qu'il y avait une sœur converse qui avait toujours peur de donner trop à manger aux élèves. Elle leur répétait continuellement « Allez, allez, mes enfants, ne mangez pas trop, comme ça vous aurez l'esprit libre et la santé durable. » Eh bien, la sœur converse, c'est vous. Il avait tellement ri qu'il m'a redemandé plusieurs fois cette histoire. « Racontez-moi la sœur converse, » me disait-il. Mais c'est vrai, Céleste, quand on a mangé, on ne peut pas travailler. C'est un peu vrai. Mais il a exagéré. Il a exagéré. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafon.